Non, t'as un peu. Non. Pas assez fort, ça. T'as un peu. Les palmarès, c'est fou, ça demande du plus fort que ça. Loudness! Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. Puis là, j'ai pas ouvert la bombe. Attends un peu. Prise 3, OK? Non, attends, on va faire ça comme fou. On a même pas des bas de cheveux ici, là. Attends un peu, là. Alors, on commence, OK? On y va. Celle-là ici. OK, go. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Yes! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 24 au 30 septembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Salut, Alexandra Carignan. Je suis content de te voir. Ben, merci. Moi aussi, je suis contente de te voir. C'est le fun, hein? On a du plaisir le jeudi après-midi. Barre oblique vendredi soir, barre oblique lundi après-midi. Barre oblique tout le temps. Barre oblique en permanence. Exactement. Toi et moi pour faire le top 20 francophone et le top 20 anglophone de la semaine, tel que déterminé par les nombreux et dont sympathiques animateurs de C'est fou. Exactement. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir la chronique de Justine Renaud. Oui, qui va nous parler de ses coups de cœur, de ce qu'elle aime. De NASA, j'ai entendu parler de NASA. Ah oui? Mais pas la NASA, juste NASA. Est-ce que NASA aurait une autre signification que la NASA que l'on connaît normalement? Peut-être, ou peut-être que pas. Je sais pas. La réponse à la chronique de Justine Renaud. On va aussi avoir les instants classiques d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. Hein, Oui. C'est un peu de là que ça part, si ça part. Qui regroupe tous les éléments du début de semaine, en fait, les émissions. Oui, les malaises. Les malaises, majoritairement. Hein, c'est quelque chose qui revient. Alors, on va aussi avoir plein d'autres choses, mais on va commencer avec les nouvelles entrées. Et j'en compte un nombre assez élevé. Je dis 6 du côté franco, 2 du côté anglo, ça fait 8. Ça fait plusieurs. Beaucoup du côté francophone. Moi, je trouve ça plaisant. Le côté francophone, des fois, il est un peu plus stagnant. Là, ça rentre au poste. On change pour vrai, là. On change tout. Et d'ailleurs, on a un groupe trifluvien qui rentre dans le palmarès cette semaine. Oh, c'est lequel, ça? Ah, oh, je le vois. Voilà. Ah ben, attends un peu. On va attendre, laisser le punch pour dans quelques secondes. Le temps de vous dire qu'il va y avoir, entre autres, Chinatown, Madame Moustache, Canaille, Bernard Adamus, La Descente du Coude de Hives et The Darkness, mais on va débuter en 20e position francophone. En 20e position francophone avec le groupe trifluvien atomique Baobab qui nous propose le Viewmaster. Attention, ça va exploser! On va se rendre jusqu'à la fin de la chanson, c'est rare qu'on fasse ça. Comme un chat. Non. Non, pas de chat. Non. numéro 20. Nouvelle entrée. Something in the air. brille, soulagé, c'est belle. Sur la console, tous les jours, fait écran. J'attends 35 heures par semaine. Je passe au rêve de mes belles investies. Qui c'est ce qui brille, soulagé, c'est belle. Sur la console. Nouvelle entrée. Wait a minute now, wait a minute, wait a minute now, wait a minute now, wait a minute, wait a minute. The Hives, c'est en 19e position anglophone, c'est une nouvelle entrée. Et juste avant, on a écouté La Descente du Coude avec Instinct Domestique. Mm-hmm, avant ça, oui, en particulier, hein, mais bonne. Mais très bonne. The Hives, je trouve que Go Right Ahead est imbattable. Hein? C'est ça, en fait, on a tellement commencé avec un grand punch déjà au début que c'est pas facile d'égaler. L'espèce d'énergie de Go Right Ahead. Mm-hmm. Alors, 20e anglo, on a eu The Darkness avec Everybody Have a Good Time. Retour de The Darkness avec un nouvel album qui s'appelle Hotcakes. Je sais pas si tu as vu la pochette de Hotcakes. Non, je ne l'ai pas vu. des femmes en bikini sur des crêpes avec du sirop. Moi, ce que j'aime de Darkness, c'est qu'ils ont encore un esthétisme des années 70-80 et j'adore. Dans le bon sens, c'est vraiment le fun. Et on a commencé ce palmarès avec le numéro 20 francophone qui est Atomic Baobab avec le Viewmaster qui est un groupe en fait de trifluviens de Trois-Rivières. Et on est très contents de les avoir au palmarès. C'est les gagnants des Mars de la Relève d'il y a 2 ans. Mais oui. Et d'ailleurs, l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils ont fait la première partie ici au spectacle de la rentrée. C'est vrai. Avec Elage Diouf et Mister Valère. Mister Valère. Mister Valère. Il nous reste encore plusieurs nouvelles entrées, mais elles sont toutes du côté francophone, donc on va laisser faire l'anglophone pour y retourner plus tard. On va rester en franco pour entendre, entre autres, Chinatown, Madame Moustache et Canaille, mais on va débuter en 18e place. En 18e position, avec la nouveauté de Bernard Adamus, Arrange-toi avec ça, de son nouvel album numéro 2. Toi, t'aimes ça du Bernard Adamus, hein? Moi, j'adore. J'ai été m'acheter l'album aujourd'hui et je vais aller le voir en spectacle. Je suis une grande fan. Mais je me suis fait tatouer sa barbe! Non, c'est pas ça. Non. Où tu mettrais sa barbe sur ton... Du monde qui donne d'autres qu'à soi, il y a du monde qui te vole d'autres en douai. Du monde c'est le même cours après le samedi, d'autres ont bien la peine qu'ils servent. J'ai pour mon dire que les poches bien pleines quand ils regardent pas vide les tiennes. Du monde dans le toit mais d'autres dans le chemin. Numéro 16. Nouvelle entrée. Vivre les pieds nus à la campagne. On vient d'entendre Chinatown avec Vive les pieds nus, qui était en fait une nouvelle entrée au palmarès cette semaine. En fait, toutes les chansons qu'on va nommer vont être des nouvelles entrées. Juste avant ça, on a écouté Madame Moustache avec Maison Mobile, Canaille avec Dimanche à la 17e place. Et finalement, on a commencé avec Bernard Adamus au numéro 18 avec Arrange-toi avec ça. Nos commentaires. Bernard Adamus, toi, t'adore, t'es déjà procuré l'album. Moi, j'adore. Ben oui, et je suis vendue, en fait. Puis, c'est niaiseux, là, tu disais que j'aime ça, les chansons qui chialent. Oui, ben c'est des complaintes, là. Mais je pense que c'est parce que dans la vraie vie, je chiale quand même beaucoup. Je te comprends là-dessus. Puis c'est ça. Puis tu pourrais le demander à Maxime. Tanguay. Ouais, Tanguay. Il pourra te le dire. Alors, je crois que j'aime ça, d'être capable d'extérioriser ça en chanson. Mais je suis vraiment contente de Bernard Adamus. Et toi, t'es un grand fan de Madame Moustache? Oui, j'adore Madame Moustache parce que, juste à cause de ça, là, j'aime leur style musical, même si c'est un petit peu du néo-country, genre truc que d'habitude j'aimerais pas. Mais la voix est intéressante. C'est la voix de Geneviève Néron que j'adore dans ce groupe-là. Et Geneviève Néron, si vous la connaissez pas, elle jouait dans Real TV à Vrac TV. Ben oui. Et c'était la fille qui avait cette voix-là, finalement. C'est le cheveu. C'est le petit cheveu court noir. Là. Mais la fille avec la voix qu'il y a dans Madame Moustache, je pense qu'elle est assez facile à reconnaître. Une petite voix nasillarde, mais quand même très intéressante en musique. Ouais. J'aime vraiment ça. Ben, dans la vraie vie aussi. Moi, j'aime ça, ces voix-là. J'aime ça. T'aimes ça, les petites voix? Ouais. Tu sais que certains diraient gossant. Moi, j'aime ça. On a aussi entendu, tu disais, Chinatown. Oui, moi, j'adore Chinatown. Moi, depuis leur premier... je sais pas si c'est leur premier, mais leur chanson, là, Faudrait t'apprendre à danser. Oui. Là, moi, ça m'a accroché à un point que c'est une de mes chansons préférées au monde. Et depuis ce temps-là, là, à chaque fois que j'entends du Chinatown, je suis contente. Et Vivre les pieds nus, j'ai vraiment aimé ça. Elle est accrocheuse. Oui. Elle est très accrocheuse. J'aime beaucoup la voix du chanteur qui est profonde. Une espèce d'accent international, mais des fois qui déroge. J'adore. Je sais pas si son accent est voulu comme... Est-ce qu'il est arrangé international, dans le fond? Est-ce qu'il fait exprès pour parler comme ça ou c'est vraiment je son accent? Je suppose que oui. Ouais, parce que tu sais, on le compare à Bonjour Brumaire. Oui, Bonjour Brumaire, qu'en fait, c'est le chanteur... vient de l'Europe, plus particulièrement de France. Alors, c'est ça, oui. Lui, c'est pas un accent. C'est pas fake. C'est pas fake. C'est pas un wannabe. Non. Bon, d'accord, ça règle tout. On n'a pas parlé de Canaille, mais Canaille était là aussi. Ah oui, Canaille était là avec Dimanche. T'es une fan de Canaille aussi, faut dire. Oui, mais j'aime bien l'espèce de grass, blues, country. Country. C'est une country girl. Ben oui, ça c'est quand je m'assume depuis longtemps. Là, ça paraît. Donc là, ce qu'on a fait, c'était un bloc de 4 nouvelles entrées. Il y en avait 6 en tout du côté francophone. On a déjà entendu les deux nouveautés anglophones. Donc, on va retourner en arrière un petit peu pour entendre le bloc de chansons qui n'étaient pas des nouvelles entrées en anglo. On va sauter par-dessus une pièce. Ce que ça veut dire pour ceux qui suivent à la maison notre émission et qui ont la main sur le buzzer, c'est un bloc 3 quarts. Eh oui! Donc là-dedans, on va avoir Band of Scars et Hell Songs plus tard, mais on va débuter en 18e anglophone. En 18e avec Grimmskunk et Set Fire to the Nation. Comme une country girl, mais le feu à la paille. C'était quand fait paille, never say I love you. Non, ça c'était mauvais. Hein. C'était qui ça? Never say I love you. Son nom m'échappe. Pas Gabriel les trois maisons. Non. Elle a un nom composé quelque part là-dedans. Son nom m'échappe. Yeah, mon tête. Et on va bien dessus. C'est, ouais. Oui. Elle jouait dans une émission pour enfants à la TV. Elle aussi. Annie Major Matt. Hop là, top. Gazing at a world gone mad with pride. Merciless the blind lead the blind. People all around grow cold inside. Down to turn it out. City. Montassus de bon bloc, si je puis m'exprimer ainsi. On entend Battle of Scars et You're Not Pretty But You Got It Going On. Et ça, ça avait un featuring de Air Battery, Air Drums, de Alexandra Carignan. Oui, je l'aime tellement cette chanson-là. Mais moi, j'ai été voir un spectacle et juste avant d'introduire la chanson, ils l'ont dit, c'est sûrement la chanson la plus vite qu'on a jamais écrite. Oui. Et c'est vrai parce que d'habitude, du Battle of Scars, c'est souvent... Tu sais, c'est très lent. Refais ça, je l'ai pas... Non. Non, j'en fais pas ça. Reprends ta musique, Mathieu. Ça marche pas. Bref, ils sont très lents. Et là, moi, je l'adore, cette chanson-là. Oui, c'est très, très bon. Avant ça, on a écouté Sin City avec Hillsong, qui est en 16e position. Ils ont un peu droppé, puisqu'ils étaient en position numéro 7 la semaine passée. Mais c'est pas grave, on les aime pareil. Et on a commencé ce bloc musical avec Grimmskunk et Set Fire to the Nation. Mm-hmm. Et entre tout ça, on avait aussi sauté Zeus et Anything You Want Dear à 17e place. On le jouera une autre fois, hein, une fois de temps en temps, on saute des choses. On va d'ailleurs sauter quelques affaires à l'instant du côté anglophone. On n'entendra pas la 14e Wheel Driving West avec Painkillers, qui est là depuis 3 semaines seulement. Ça a le temps de se rattraper. Et en 13e, on va sauter par-dessus Yukon Blonde et Radio, qui est là depuis 7 semaines. Donc, elle a fait son temps. À un moment donné, les plus vieilles doivent se sacrifier pour le reste, un peu comme à Fort Boyard quand tu mettais ta main dans la trappe pour avoir une clé pour Philindra. Ça fait un peu de mêlée. Ouais. Alors, on va aller du côté francophone entendre les 13e et 14e places plus tard du mois avec l'heure et l'endroit. Mais tout d'abord, Rouge Pompier avec Paquet de choses en 14e position. Je l'aime beaucoup, cette chanson-là. Son appartement, là, c'est quelle sorte d'appartement? Mettons que tu avais à classifier son appartement dans une boîte, une sorte d'appartement. C'est un appart de merde. OK, je n'étais pas sûr par c'est un paroles. Appart de merde. Ça, c'est une citation, fait qu'on peut le dire en nom. Oui, c'est ça, c'est le... C'est ça. De merde. Paquet de choses. Paquet de choses. Mets-moi dans le parc d'affaires André. La route est longue, on vient de dans un champ de farde. La route est longue, la route est longue, on vient de dans un champ de farde. La route est longue. Je suis chez nous, je suis en moyenne. Tout ce que je peux faire, c'est regarder le paysan. Numéro 13. On vient d'entendre la 13e position du palmarès francophone du Mât avec l'heure et l'endroit qui était en hausse d'une place. Juste avant, toujours du côté francophone, c'était Rouge Bourpier avec un paquet de choses qui descend de la 9e. Donc, ça descend de quoi ça? 7 places? 7, 14, moins 4. Pourquoi j'essaye déjà? 3, 4, 7. C'est 7. Hey, restez 7, là. Ouais. Au retour, il y aura qui? Coulin et de Gas Lalenta. Mon palmarès, c'est fou. Oh là là. Puis plus de maths. Oh. Oh no. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Vous écoutez les Palmarès, c'est fou pour la semaine du 24 au 30 septembre 2012. Elle, c'est Alexandra Carignan. Et c'est Mathieu Plante. Est-ce que t'aimes ça quand je fais une liaison dans ton nom? C'est Alexandra, c'est pas le fun, c'est, hein? C'est, bah, moi, je suis pas à cheval là-dessus. Non? Non. Est-ce que t'es à cheval sur quelque chose? Non, je suis à l'âne. À l'âne? Ok, ouais. Veux-tu me limiter, non? Non, moi, je fais pas ça. Les défis aujourd'hui. C'est contre la religion. Ouais. C'est ça. Donc, deuxième heure, on va commencer ça directement en sautant des trucs. C'est le fun de même. On saute les 12e places du côté anglophone. On saute Passion Pit et Take a Walk qui descendent de la 5e. Et du côté francophone, on va sauter Graisse de Bine avec Placard, Denis Placard. Placard, Denis Placard. Placard. Denis Placard. On dirait un genre de James Bond. Oui. Ce serait pas pire, une adaptation Placard. Québécoise de James Denis Bond. Placard. Ça s'appelle Placard. Mais tout ça pour dire que nous sommes maintenant rendus au numéro 11 des deux côtés, anglophone et francophone. Plus tard, il y aura The Gas Anthem avec 45, mais on va débuter en franco. En franco avec le numéro 11, Kate Kuna avec Tic Tac au numéro 11. Tic Tac, Ranger du risque. Et voilà. Tu sais que Tic Tac, c'est la traduction de Chip and Dale, tu sais. C'est vrai, comme les, dans les petits les dessins animés. Les danseurs? Animés. OK, je pensais que tu parlais des danseurs presque nus. Non? Les Chip and Dale. Tabarouette, t'as dormi un esprit mal tourné. Moi, je parlais des petits écureuils, là. Tic Tac, mais en anglais, c'est ça? Chip and Dale. Tu sais? Laisse. Mathieu, t'es incorrigible. Moi, vraiment. Je peux pas rien faire. Il y a de plus à dire, ça. Non, c'est ça. Égypte, en Syrie, en Somalie, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, toujours plus. plus tachée de toute l'histoire de l'art. Visage souillé de fusain noir, pinceau rempli d'espoir. L'impressionnisme impressionne, le pinceau qui déconne, qui guide de longs doigts, mais les brûle à la fois. dress code. Grizzly Bear et Sleeping Ute. Et là, on s'était renseigné un petit peu sur Sleeping. Alors, on va finir ce qu'on disait là. Attends un peu. Ça, c'est la position numéro 10 du côté anglophone. Ça monte de 8 places de nouveau la semaine passée. Et juste avant, on a écouté Pandaléon avec Taché, qui était en position 10 francophone, en fait, qui est là depuis aussi 2 semaines, qui était une nouveauté la semaine dernière. Voilà, tu vois, on fait ça comme ça parce que sinon, c'est déjà assez mêlant de même les palmarès, qu'on n'est pas pour interrompre. Donc, Sleeping Ute, oui, ça s'écrit UTE, tu sais. Genre Sleeping UTE. UTE. Mais ça se prononce YOOT. Et ça veut dire, entre autres, un véhicule utilitaire, donc un utility vehicle, UTE. Mais, selon un blog qui a demandé la question au groupe, c'est pas le bon contexte. Ce que ça veut dire, UTE, c'est aussi un membre d'un peuple amérindien qui vit au Colorado et dans l'état de l'Utah. C'est Utah. Alors, UTE. Utah. Utah. Et voilà. Et voilà. On est au courant maintenant pour le prononcer comme faux. Exactement. Ça. Ouais. Et juste avant, en fait, on a entendu Grizzly Bear Bantaleon, mais juste avant ça, on écoutait The Gaslight Anthem avec 45 au numéro 11 du côté anglophone. Et du côté franco, c'était Keith Kuna et Tic Tac. Et voilà. Voilà. Assez parlé, on va continuer de parler, mais comme en flashback, là. Comme dans un rêve, comme dans une série télé, qui a comme des petits... comme ça. Mais à la place, nous autres, c'est pas ça la musique qui entoure les flashbacks, c'est plutôt un instant classique, et c'est le groupe André qui chante. Vas-y André, joue ta petite chanson. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 24 septembre 2012. Non, pourquoi tu fais ça? J'ai recliqué sur l'autre, hein, c'est ça. J'ai reseté le timer du Winamp, c'est le fun. 24 septembre 2012! En première heure, ben, ça va être pas mal le Mathieu Plante Show, hein, comme solide des fois. Écoute, on va parler du iPhone 5. Exactement. Téléphone que tu as en ta possession, hein? Dans ma poche, session. Dans ta poche? Ça rentre dans une poche. Il y a un panneau d'interprétation. Là. C'est comme des panneaux interactifs, mais pas interactifs. Pas interactifs, ouais. Le boudoir avec ma charmante collègue Mélissa Beaupré, pleine de bonne musique, des chroniques très drôles. Bref, c'est à ne pas manquer. Là, on parle de l'émission, pas de Mélissa. Elle est pleine de musique, nanana, mais tu sais, faut oublier de chanter. Non, on parle pas de Mélissa. On parle de l'émission. De l'émission. Je suis peut-être fatigué avec ça. J'ai l'impression de tout le temps vouloir en mettre. Bon Dieu que j'aime ça. Fait que la question, c'était, est-ce que t'es fatiguant? Ouais. David Ferron est arrivé en studio. Salut, David. Ben bonjour, comment allez-vous? Ben, ça va très bien, toi. T'as de l'air en pleine forme ce matin. Oui, sérieusement, je déborde de vitamine C, Tropicana. Tasse-toi parce que tu vas exploser de jus d'orange. Oh mon Dieu, ça va être formidable. Okay. Épique. Wow. Je suis comme ça, moi, chaleureux. J'ai chaud. C'est chaud. Wow. Il fait 80 degrés Celsius présentement. François, qui avait peu de graisse, a tout perdu. On voit juste le squelette de François. Mais... Oh, il est tout petit, hein? Il est comme un petit doigt. Comme un petit doigt. Oh. Comme un petit doigt. Vous êtes charmé ce matin. Je mets pas mon ordinateur, par exemple. Hey, Carlis. Yes. Ordinateur. Ordinateur. Oh! Oh! Jeu de mots. Dépendamment si je suis pas mort à cause de mon attaque contre une contre un jus d'orange, mettons. Jus d'orange qui exploserait dans ta face, mettons. Oui. Okay. Pour remettre les gens en contexte. C'est pas grave, gars. C'est le début de l'intro. Parce qu'il fait des blagues des fois, David, mais on se rappelle pas nécessairement c'était quoi la référence de la blague. T'sais. Bon, là, me paraît. C'est obscur comme référence. Oui, c'est obscur. En direct. Pas de filet. C'est un filet? Non. Mercredi? Mercredi matin. 26 du 9, c'est mois. Du 9? 9 okay. mois. C'est quoi le 9e mois? C'est l'accouchement. Ça veut dire que quelqu'un qui tombait enceinte en janvier ouais. accouche aujourd'hui. C'est ça, le miracle de la vie, François. Bon, génial. C'est beau. Ma vie serait beaucoup plus simple sans tous les chats. Ou achète-toi un chien, ça va les faire fuir. Ouais, mais je suis allergique aussi aux chiens, fait que c'est pas plus le fun. Tout ce qui est poil. Ouais. Ouais. Oh. OK! Ce qui est le fun, là, celui de Michelot, là, il est spécial, OK? Il est pareil, il est en forme de O. C'est un O avec un trou dedans. Et de disque. Sérieusement, là, quand tu m'as pensé à tout ça, c'était peurant. Hein? Comme, sérieusement, moi, je suis en train de perdre le contact avec la réalité des fois. Tout le monde devient O. Ça m'amène à la question que tout le monde aurait posée. Sinon, tu sais, le O voulait dire quoi? Puis là, j'aurais sorti comme une liste de gens. Est-ce que ça veut dire original? C'est une piscine en vue d'oiseaux. OK. Obligatoire à écouter. Ah, ouais. Ou, obligatoire à écouter. J'aurais été fin, mais zéro. C'est raté. Ouais, ou le cercle, tu sais, c'est comme un. C'est pas un symbole. Charles Lafortune. Ouais. C'est ça. Donc, c'est Michel Charles Lafortune. C'est ça. On est de même. Je comprends. Ouais. Après Kurt Cobain et Charles Lafortune. Même calibre. J'ai trouvé plus accessible. C'est un petit peu plus facile à trouver. Moins mort. Un peu moins mort. Quoique, il est à TVA. La femme qui avorte après un viol, après n'importe quoi, elle pourrait être considérée comme étant une meurtrière. Et là, Ron Ambrose est ministre de la condition féminine. Et elle a voté pour la loi. Comment peux-tu faire ça? Ou encore, comment fais-tu ça? Comment fais-tu ça? Ouais, non, ouais. Ah, c'est... 3,5 sur 5. Moi, en tout cas... Ah ben là, par exemple... Là, je te trouve pas très généreux. On accorde des notes, mais... 3,5. Ouais, mais c'est une bonne idée, par contre. C'est une bonne idée. Est-ce que je peux noter tes jeux de mots, moi aussi? Oui, vas-y. Non, mais là, en même temps, faut que tu m'en fasses. Là, pour que j'ai... Non, mais là, attends un peu. Non, je dois l'avouer, j'ai honte, mais pendant le segment L'Instant Classique qu'on vient d'entendre, j'ai fait le cochon deux fois, où j'ai ri comme ça, tu sais, deux fois. Je pense que c'était à mes propres blagues. Mais oui, je fais ça dans la vraie vie. J'ai honte. Ben, c'est, ouais. Comme un cochon. Oui. Un cochon! C'est il y a une théorie assez intéressante là-dessus qui s'est développée en Europe moderne. Comme quoi... C'est en beau avec ça, toi-là! Non, mais comme quoi les hommes seraient très près des animaux et auraient des personnalités selon leur apparence physique ou selon... En fait, tous les trucs qu'on dit comme... elle mange comme une cochonne, la grosse chienne ou la grosse vache. Ou la grosse cochonne aussi. Rusée mais... comme un renard. Ça vient tout de cette théorie-là qui dit que les animaux et les humains peuvent se transposer souvent... Si t'as un petit nez fin, tu vas te faire appeler la renarde. J'ai un gros nez, fait que là, c'est quoi, j'ai l'air d'un cochon, ça, tu veux dire? Non, mais non, mais cochon, faut t'aille le nez un peu plus retroussé. Cœur de pirate, mettons. Comme cœur de pirate. Comme cœur de pirate. Et voilà, exactement, c'est une... En tout cas, bref, je me rappelle plus comment ça s'appelle, je vous reviens là-dessus, mais il y a une théorie, là, un courant là, de médecine qui traite de ça. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu pensais de comment fais-tu ça, mettons? Ça? Toi, la note, là, tu voulais donner est des notes. C'est un peu illégal. Ouais. C'est déplacé. En fait, le Astor est correct parce qu'on sait que la loi, elle n'a pas passé. Ouais. Donc, si elle avait passé, elle serait illégale. Ouais. Mais moi, j'irais avec un bon 4. Moi, je la trouvais pas si pire que ça, quand même. Un 4,5 sur 5. Là. J'ai pensé longtemps pour pouvoir l'insérer à la bonne place dans le chronique pour pas être trop déplacé. Oui, non, moi, je trouve... moi, je donnerais un 4.5, ben, assurément. Faut noter, tu sais, c'est pas juste le jeu de mots, faut noter aussi le contexte et comment t'as réussi à la placer. Ça, ça importe, parce que là. Si t'as la place n'importe où, si tu fais un jeu de mots pour faire un jeu de mots. Marche pas, là. Non. Marche pas partout, ça. Là, non seulement il s'insérait dans la conversation, mais il était au moment opportun et particulièrement délicieux. 4.5, sérieux. J'en ai fait un aussi, j'ai pas mis les meilleurs moments et je réalise qu'on parle beaucoup trop longtemps des meilleurs moments, en même temps que je le dis. Mais j'ai fait une blague sur les conservateurs, mais je les ai appelés les conservateurs parce qu'ils ont perdu leurs os. Leur eau dans le conservateur. J'ai fait ça. Je l'ai fait. En nom. Celle-là, tu te donnerais combien? Il m'a donné un 1, je pense, François. Si je resterai avec François aussi. Comment? Non, mais elle est trop abstraite. Trop songée, je pense. Oui, c'est ça. C'est l'affaire. Le jeu de mots, là, la première qualité d'un jeu de mots, c'est que ça soit vite et facilement compréhensible. Compréhensible, c'est ça. Donc, il faudrait avoir comme des critères comme la compréhensibilité, la placibilisation. Oui. Ainsi que le jeu de moticratisation. Oui, c'est exactement. C'est les trois critères selon lesquels on devrait évaluer tes jeux de mots. Parfait, c'est noté. Faire une moyenne de tout ça. Wow. Donc, c'était les meilleurs moments. Ben oui. Comme 15 minutes de tout ça, mais c'était les meilleurs moments d'Assemblage requis. Du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand, monsieur Petit Doigt. Qui est toi, Mathieu Plante? Il a l'air d'un petit doigt. Oui, et Mathieu Plante qui a l'air de plus en plus d'un gros pouce. Bon. Mais plus le temps passe. Bon. On retourne à notre palmarès. On est rendu aux positions numéro 9. Du côté anglophone, il y aura Stars et The Theory of Relativity qui monte de 10 places et qui était nouvelle la semaine passée. Et du côté numéro 9, ce sera Noem avec Mon Espace qui, ça fait maintenant 3 semaines qu'il est là, mais qui se fait une place lentement mais sûrement dans le top 5. Au palmarès, c'est fou! 89.5. Parallèle, j'avais un corps étoile tien dans un univers matériel. J'avais si froid et j'avais mal. Sans mon réseau, je n'étais rien. Tout était vrai et immoral. Tu étais là. Tu étais loin.

Attends un peu, là. Attends un peu. Tu me diras pas de pas faire un jeu de mots en ligne, en onde. Ben, en ligne aussi, sur safe.ca. Mais il est bon, là. Ben, je sais pas okay. S'il est bon. J'ai pas encore fait un consensus de tous les critères qu'on a nommés tantôt. On va l'essayer dans quelques secondes. On va faire le tour de ce qui vient de jouer. On vient d'entendre Stars avec The Theory of Relativity qui monte de 10 positions. C'est la 9e anglophone. Et juste avant, on a écouté Noem avec Mon Espace qui était le numéro 9. Donc, ça veut dire des places de changer. Oui, c'est ça. Mais non, qu'on calculera pas. On était en train de parler du CD d'Amélie que Alexandra a été acheter. Ça fait longtemps qu'il est sorti, mais... Ouais. Elle m'en parlait. Et là, j'ai dit, Amélie, c'est pas la traduction française de Fuck Friends? Fuck Friend, un Amélie. Fuck Friend. Non, c'est une... Non? La pertinence du jeu de mots me trouble pas tant que ça. Non? Non. Bon. Moi, j'y mettrais un 2. OK, ben quand même, je vais le prendre, le 2. Ça ajoute à mon score. Non, tu peux pas... Première réponse, comme dans un quiz, c'est la première réponse. C'est plate, ça. Ouais, 2 sur... Je peux même pas, tu sais. Sur 5, pas sur 10, sur 5. 2 sur 10! C'est comme 1 sur 5, c'est pareil. Ouais. Fuck et Friend. Voilà. Pensez-y, ça a belle allure. Mais là. Dorénavant, on appelle ça un ami. Là, t'insultes toutes les Amélie du monde. C'est vrai que c'est plate pour eux autres. Mais elle, c'est plus parce que son nom s'écrit Ami, A-M-Y-L-I-E, c'est ça? Amélie. Oui. Les Amélie, eux autres, ça marche pas le jeu de monde. Non, c'est ça, c'est pas un ami. Elle, c'est une Amélie. Amélie! Bon, ça va faire. Voilà. Position numéro 8, du côté anglophone, il y aura Foxy, Shazam et Last Chance at Love qui monte de 4 places. Mais tout d'abord, on va aller du côté francophone avec Tremblay et Marie Plastique. Au premier rang, c'est fou. Oui. Écoute Manolo, là. Je vais dire quelque chose sur Marie Plastique et un objet de plastique qui serait aussi un fuck friend, mais je vais laisser faire. Là. Non, ça, là, c'est beau. Limite, des limites. Dans ton make-up, t'en mets du temps, mais t'es pas plus hot. T'es plus quelqu'un, t'es rendu quelque chose. Tu te regardes avec les yeux des autres. Des filles comme ça, y'en a toutes les sortes. Des beautés gâchées sur Photoshop. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux le prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie Plastique, Marie Plastique. Drop ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Moi t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie, t'es belle, pose ton sourire avant que ton visage se déchire. Marie Plastique, Marie sans ton ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi te l'air? Marie Plastique, je m'en fous que tu t'habilles en Chanel, en Versace, Gucci, Jean-Paul Gaultier. Tu vaux bien plus que de la ficelle. Marie Plastique, enlève son don, ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi t'as te lèves. Numéro 8. Numéro 8. Yeah. P.S. I Love You et Sentimental Dishes. Ça monte de la 11e maintenant en 7e anglophone et ça coupe là, comme ça. Oui. Tchou. Ça coupe comme ça. Et juste avant, on a entendu Last Chance at Love de Foxy Shazam au numéro 8 du palmarès anglophone. Et avant ça, on a entendu la nouveauté de la semaine dernière de Tremblay au numéro 8 qui était Marie Plastique. Oui, on a sauté par-dessus Fanny Bloom en 7e franco, ce que je voudrais. Triste. Oui. On va aller aux 6e places pour terminer cette 2e heure de l'émission. Et plus tard, il y aura là-dedans Mother Mother avec Businessman. Ça monte de 4 places. C'est bon. Moi, j'adore. Mais on va tout d'abord aller avec un groupe aussi que j'aime beaucoup. En fait, pas un groupe, mais bien un chanteur, Peter, avec Les Chemins étoilés, qui était au numéro 1 la semaine dernière. Donc, spoiler alert, ce n'est plus le numéro 1 cette semaine. Avertissement cœur sensible s'abstenir. Il est maintenant au numéro 6. On vole le punch, là. Tu sais? Je sais. Les gens sont pas contents. Ils voulaient un petit genre de cliffhanger, là, tu sais. Je suis désolée. Ils l'entendent quand même tout de suite, tu sais, Les Chemins étoilés. Ah, ben, voilà le positif de la chose. Une bonne chose. Ça, ton parleur, c'est fou. Ouais. Ouais. Moi, je suis content. Moi aussi. Yeah. 6. On vient d'entendre Mother Mother avec Businessman, qui était au numéro 6 du palmarès anglophone. Une hausse de 4. On a aussi entendu du côté anglophone Mother Mother. Non, excuse-moi, du côté francophone, je suis pas Peter Peter, les chemins étoilés, l'ancien numéro 1, c'est 65 places. Ça s'excuse, Mother Mother, Peter Peter. Oui, hey, hey! Est-ce que c'est la première fois qu'ils se retrouvent à la même position? Ben, je pense que oui, c'est notre bloc non... redondant. redondant. Ben oui, c'est ça. Le redundant block. Le redundant block. Restez là après la pause, il y a Élie Papillon, Jack White, Parler et Ariane Moffat et aussi la chronique de Justine Renaud. Oui. Fait que, restez là. En tout cas, moi, je resterai là. Toi? Toi, tu restes pas, en fait. Mais non, c'est ça, je m'en vais, en fait. Tu mens aux gens, là. Hein? Toi, là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. C'est la troisième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 24 au 30 septembre 2012. Elle est la fille qui fait 3 pubs sur 4 dans le dernier bloc de pub. Il est le gars qui accompagne la fille. Oh, ouais, pas pire ça quand même. Ouais. Et donc, t'as fait la pub du boudoir. Oui. T'as fait le service aux étudiants. Oui. Et t'es la fille dans la pub d'assemblage. Exactement. C'était un bloc carignan. On ne s'étonnera jamais. Ben, je vous le souhaite parce que vous êtes mal pris. Et voilà! Donc, cette troisième heure d'émission qui comprend le top 5 et qu'on va débuter avec un petit bloc trois quarts. On va sauter par-dessus Lisa Leblanc. Bouhou!

around and your feet run cold. I got fever. Yeah. The wind shakes the leaves on a tree, and I'm a nervous wreck, and I'm all shook up, and that's what you're doing to me right now, and I'm jumping. That's right, you got me shaking. Oh, I'm jumping. That's right, you got me shaking. On vient d'entendre Jack White avec I'm Shaken au numéro 5, qui a fait une belle remontée puisqu'il était au numéro 9 la semaine dernière. Avant ça, on a entendu Les Papillons avec une chanson pour tout dire qui est stable. Voilà. C'est ça? Ben c'est ça. J'étais pas sûr. Oui, il reste encore un parleur dans ce bloc-là, mais la raison qu'on vient entre les deux alors que j'avais annoncé le bloc de 3, c'est que tu t'en vas, Alexandra. Mais oui, je m'en vais. Oui, mais avant ça, faut parler de ton oncle, puis ton père, puis ton cousin. Parce que toi, tu t'appelles Alexandra, tu fais qu'on a fait le jeu de mots à l'extérieur, c'est bien drôle. C'est bien drôle. Mon père s'appelle Alain. Ton père s'appelle Alain. Donc, ça fait à l'intérieur. Mais ton nom et de famille, à l'extérieur. Ouais. Alain et Alex. D'ailleurs, les initiales, ma mère, c'est Christiane, ma sœur, c'est Bianca, et moi, c'est Alexandra. Donc, on fait ABC. Oh, wow! C'est drôle, hein? Ah, c'est vraiment cute. C'est fou. Mais j'aime ça, t'sais, c'est original. T'sais, c'est comme ceux qui nomment leurs enfants, mettons, avec des noms qui finissent la même syllabe. T'sais. Comme bien cacarina. Ça fait caca? Non, j'allais vraiment pas dans ce sens-là. Quoique, je trouve ça extrêmement drôle parce que c'est moi qui te l'ai dit en premier, puis je me sentais super mal de l'avoir dit, puis que je pensais que tu l'avais dit à ta sœur, puis là ta sœur m'en voulait, puis tu sais, qu'elle avait plus jamais. Ben, je peux te dire ce soir, je la vois. J'irais dans le sens de non. si tu veux, amène-le drôlement, c'est comme si c'était vraiment une blague drôle, parce que sinon ça a l'air comme méchant, t'sais. Que son surnom c'est caca. Je vais essayer. Sa sœur, elle s'appelle Bianca, et son nom de famille, c'est Carignan. Bianca Carignan. C'est bien caca. C'est ça. Fallait la raconter au public en studio. Ben oui, il fallait. C'est dit. Voilà. Et sur ce, je vous quitte. Oui, à la semaine prochaine. Oui. Oh, Justine a pleuré. Mais une chose que Justine va pouvoir prendre ta place un peu. Mais oui, c'est ça. T'es pas tout seul. Tu vas avoir une bonne relève. Et de toute manière, je vais être dès 18h lundi prochain au boudoir. Et même avant ça, à Assemblage Requis à 8h15 lundi matin. C'est ta journée parce que tu fais une chronique à Assemblage Requis le matin. Ensuite, il y a une rediffusion des palmarès de 3 à 6, 15 à 18h le lundi. Et ensuite, le boudoir de 18 à 19h. C'est le Alex Day. It's Alexandre Day. Alexandre Day. Oui, ça, j'aime vraiment mieux ça. Parfait. on vient dans quelques minutes avec la chronique de Justine Renaud. Mais avant ça, on s'en va entendre ce qui nous manquait dans ce bloc-là. C'est Parler avec la quatrième position anglophone. Oui, et ça va être Holding On to Something. Au palmarès, c'est fou! Drinking all the wine. vient d'entendre Pottery Holding On to Something, position numéro 4, qui monte de 4 places. Et avant ça, du côté franco, on a sauté par-dessus Lisa Leblanc et Ligne d'Hydro. On a fait du saut de mouton avec Lisa Leblanc? Oui, blanc mouton. le blanc mouton. C'est correct, ça. Ça va faire, hein? C'est à mon jeu de moi, de te l'approprier, là. T'en as fait un très bon tantôt. Là, c'est Justine Renaud qui est arrivée. OK, oui. On s'entend là-dessus. Avec ça va faire ses tartines tantôt. Et Justine, ton jeu de mots était parfait. C'était quoi, donc? Oui, mais là, il n'y a plus de contexte. Mais faisant un contexte. OK, ben... Alexandra. Ou Andréane, pour ceux qui veulent l'appeler comme ça. À chaque fois que je pense à Carignan, mais là, je peux pas l'appeler Carignan comme ça à la radio. Oui, Alexandra disait donc « I understand » et moi, j'étais assise, donc j'ai dit « I understand ». C'est juste ça. C'est très bon. Là, j'ai fait semblant comme d'être tout offusqué, genre « c'est pas drôle ce que tu dis ». Là, elle a dit « avoue que t'as trop drôle ». J'ai dit « mais hein ». Hein? Ça, c'est des « confessions in a radio station locker room » ouais, studio. On dirait non, studio, mais c'est tellement petit, c'est ça, que c'est comme un genre de casier, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Ça pour dire qu'on va retourner en musique une dernière fois. Après ça, on va revenir avec tes tartines, voilà. Justine. On va avoir Hot Panda tantôt avec Language en troisième stable anglophone. Mais on va débuter avec Ariane Moffat qui monte d'une place. Voici la pluie Ariane. Et le beau temps. Je l'aime. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, si t'avais à dire en nom de la radio tout ce que tu penses d'elle? À Ariane? Ouais. Vraiment, là, sincèrement, là, une des plus grandes musiciennes du Québec. La plus polyvalente, certainement. Je suis sûr qu'elle va l'entendre. En tout cas, franchement, là, la plus polyvalente, ça, c'est ça. Parfait. La voici. T'es polyvalent? Merci. Toi aussi? Oh, oui, je sais. Les deux. Tonton parle de la NASA, non? Oui. Exactement, on s'en va à l'air. La pluie et le beau temps. C'est pas banal. On n'en parle jamais trop. Non. Regarde comme il fait beau. Ressens comme il fait bon. Il traverse la fenêtre du ciel jusqu'à ma tête. Ses effets collatéraux sur mon humeur et sur ma peau. J'en rêve. Sur leurs mots, j'en rêve. On vient d'entendre la position numéro 3 du côté anglophone, c'était Hot Panda et Language Stable. Et juste avant, on a entendu Ariane Moffat et La pluie et le beau temps qui montaient d'une place. Justine Renaud, toujours avec moi. Je suis toujours là, je suis là. Oui, et je veux pas te faire attendre trop longtemps, mais je pense que si on commence la chronique, on va pousser un peu pas mal tard. Ah oh oui, non mais je comprends. Hein, on va passer dans le fond d'autres chansons. C'est ça? Non, une publicité, mettons. Ah, une publicité, mettons... excuse-moi. Ben oui, une publicité chantée, c'est ça que je voulais dire. OK, quelle publicité tu voudrais faire, mettons, pour un commerce inexistant? On pourrait leur faire une publicité, mettons... Non, ben une publicité, là, pour Ariane Moffat, savez-vous pourquoi? Okay, parce qu'en fin de semaine, j'étais censée aller la voir à Trois-Rivières, mais savez-vous quoi? Son spectacle a été remis jusqu'en avril. Non. Parce que les Trifluviens sont de piètres fans d'Ariane Moffat. Arrête donc ça! Elle va venir en avril, ça va être pareil, non? Ben oui, mais c'est ça, fait que là, ça va être remis. Là, finalement, elle va avoir 70 ans. Écoutez. La pluie et le beau temps. Ça sonne déjà de même, par contre, dans la chanson. Voilà. Elle va la retweaker comme elle a fait, mais elle va la tweaker à l'envers pour essayer de revenir jeune. Exactement. Donc, bon. Ça serait ça, ma publicité. Hey, c'est vendeur, vraiment. C'est là, vendeur. Hein? C'est là l'affaire. Je pense qu'on va laisser la job aux professionnels de la pub, puis on revient avec toi après. Okay? Excellent. Okay. C'est assez fou pour l'écouter. 89.1. C'était pas long, là. Non, c'était pas long. Écoute, tu m'as pas repoussé tant que ça. Fait que ça valait la peine. Oui, ça valait la peine. On a gagné du temps, là. Exactement. Donc, Justine Renaud, sors ton couteau. Il est aigu, mon couteau. Wow, ouais. Je ne l'ai pas accordé avant de m'en venir. Il était tuné par Ariane Moffat. C'est ça. C'est les tartines de Justine. Toujours mon magnifique intro. C'est-tu un intro ou une intro? Non, c'est une intro. Une instrumentale. Ma magnifique intro. Introduction, une introduction. Ouais, une introduction. Une introduction instrumentale, si on veut. Donc, c'est comme une intro instru. Instruction. Instruction, exactement. Voilà. Donc, Justine, tartine de Justine, ça veut dire tes coups de cœur du moment. Ça veut dire que tu nous parles de quelque chose que t'aimes, que t'as envie de partager avec la population entière qui est attachée à tes lèvres. Oh mon Dieu, je m'en allais dire quelque chose que j'aime, c'est toi, mais t'es pas attaché à mes lèvres. Non, pas en ce moment, non. Non, c'est pas en ce moment, c'est ça, c'est non. Orange. Non, mais quelque chose qui était attaché à mes oreilles toute la semaine, c'était bel et bien NASA. Et là, je ne parle pas du North American Spatial Association, je pense que ça doit être ça. Quoi qu'il y a un gars qui a un mohawk là-dedans, tu sais, il est cool ce gars-là, à NASA. Tu sais, quand ils ont fait l'affaire sur Mars, le Mars Rover, il y avait un gars qui a un mohawk et il est devenu comme vedette de l'Internet à cause de ça. Sérieux? Je te jure. Ben moi, je... Sérieusement, des fois, je manque des bouts, je pense. C'est pas grave. Ça doit être, en tout cas, une année où j'étais en coma puis j'étais pas au courant. Attends un peu. Justine, devine quoi? Quoi? T'étais dans la Lune. NASA, la Lune. Oh, elle était vraiment trop... elle était excellente. Ouais, tu vois, t'as changé d'avis en cours de route. T'allais dire que c'était mauvais puis t'as dit que c'était excellent. Hein? Non, c'était excellent. J'ai toujours pensé. OK. Il fallait que je m'éloigne de mon micro tellement que mes émotions étaient fortes et je voulais pas postiner par un roller coaster, un vrai manège, hein, cette affaire-là. C'est oui. Clair. Donc, NASA, c'est une association de collaboration d'artistes. Une immense collaboration de musique, là, pas juste une petite, pas une moyenne, une immense, vraiment. Un jumbo size groupe de hip-hop américain qui a été, dans le fond, fondé par le producteur Los Angelois, Squeaky Clean. Oui, j'ai vérifié, c'est bel et bien Los Angelois. Ça se dit bien quand même. Hein? Ouais, mais au début, je pensais que c'était Los Angelien. Mais non, mais c'est Los Angelois. Un Los Angeleux. En tout cas... Un Los Angeleux. Squeaky Clean, il vient du Los Angeles. Puis il s'est associé avec DJ Zegon. Et lui, il vient du Brésil. Alors déjà, on voit vraiment une espèce d'association un peu bizarre. Américo-latino-américaine. Oui. OK? Dans le fond, l'ambition du projet était de réunir le gratin de l'Amérique entière. D'où le nom du groupe qui est ainsi l'abréviation de North America, South America, oh. NASA. Fait que ça n'a pas tout rapport avec l'espace. Donc, les Européens et les Asiatiques, là, allez sacrer votre tête. Non, c'est pas par méchanceté. C'est juste que ça s'est avéré que c'était vraiment des gens de l'Amérique du Nord, du Sud, du Centre, de tout partout. Mais... Tu sais, qu'il y aurait eu un Chinois ou un Indonésien, puis il l'aurait pas nommé NASA. Ouais. Mais c'est pas grave, hein, voyons. Ben non. Voilà. Et c'est ainsi que sur leur premier album sorti en 2009, on voit l'apparition de pas moins de 37 artistes. OK? Et voici les artistes que compte l'album. Sérieusement, retenez-vous bien. OK, attention. On parle de David Byrne de Talking Heads. On parle de Sue George, un grand, grand musicien brésilien. Ça, on le connaît pas, mais là-bas, ils le connaissent. On parle de presque toute la gang de Wu-Tang Clan, Method Man, Old Dirty Bastard, Ghostface Killah, RZA, tous des noms super violents. John Frusciante de Red Hot Chili Peppers. On parle de Tom Waits. On parle de Kanye West, Santi Gold, Amanda Blanc, Licky Lee, M.I.A., Karen O de The Ya Ya Ya's. Sérieusement, c'est une méchante brochette. Rendu là, c'est plus une brochette. C'est un michoui. C'est un michoui musical. C'est un barbecue garden party. C'est sérieusement, c'est immense. Et moi, sérieusement, je suis pas... Sérieusement. Est-ce que je l'ai dit sérieusement? Sérieusement, je sais pas. Je ne suis pas une fan de hip-hop, mais absolument pas. Et cet album m'a absolument conquise. En fait, un jour, je me promenais, je suis rentrée dans mon disquaire préféré. C'était fermé, donc t'es revenue plus tard. Puis la personne qui vendait les albums, le vendeur qu'on appelle, ouais, slash il m'a suggéré ça. Ouais, slash caissier, slash magasinier. Placeur d'affaires sur les tablettes. Ouais. Il m'a suggéré ça, dans le fond. Il est vraiment très, très bien fait. Le CD, il est bien fait? Il a bien fait de me conseiller ça parce que le CD est bien fait. Hein? Ouais. Alors, Squeaky Clean et DJ Zegon, si tu vas arrêter de me couper. Sinon, t'interrompre. Oui, arrête de m'interrompre. Hein? Parce que ces deux-là, ils voulaient réunir, dans le fond, les gens afin qu'ils partagent leur inspiration et leur amour pour la musique. Okay? Donc, ils se sont vite rendus compte que ça ferait un très bon album. Hein? Mais c'est pas difficile avec une brochette comme ça. Tu te dis, waouh, il y a de l'argent à faire. Et l'idée générale derrière tout ça, c'était simplement d'ignorer toutes les frontières qui existent entre les gens et les artistes, comme le genre musical, la race, les convictions politiques et religieuses, la langue. Au bout final, là, vraiment, là, au compte final, il voulait tout simplement, au travers de la musique, montrer que toutes ces différences-là sont absolument superflues, superficielles, et que vraiment, là, dans le fond, on devrait toutes se réunir. C'est vraiment comme une espèce... We are the world. The Band-Aid, là, ouais, dans le temps des années 80, là, avec... Ça, c'est Live Aid, mais avec Live Aid, même moi, c'était Band-Aid. C'est ça, c'est vraiment... Ma mère, elle m'a parlé de ça. Ouais. Hein? Référence Maman 2001, probablement, qu'elle m'a parlé de ça. Maman Copyright 2001. Maman Copyright 2001. Oui, c'est ça. Puis elle parlait beaucoup, là, vraiment, là, les gros, gros, gros projets qu'il y a eu pour sauver, ben, dans le fond, ramasser des fonds pour l'Afrique et ces affaires-là. Puis je trouve que ça a un peu comme une note comme ça de laissons de côté nos différences puis aidons-nous les uns les autres. Main dans la main. Main dans la main, bon. Pied dans le pied, bouche sur la bouche, anyway. Hein? Wow! Alors, comme je l'ai mentionné, en 2009, ils ont sorti un album. Et là, attention, NASA ne fait pas référence au groupe spatial américain, mais ils ont quand même nommé leur album « The Spirit of Apollo ». Ah, ils sont drôles, hein? Ils voulaient faire parler d'eux autres. Mmh. Et en 2010, ils ont sorti leur remix, l'album remix de « The Spirit of Apollo » sous le nom de « Big Bang ». Et juste pour vous mettre l'eau à la bouche, en partant, on va commencer par écouter une de leurs pièces que j'adore vraiment beaucoup, qui est juste un peu pop, cependant. Il faut prendre ça en considération. Le titre est Gifted et cette chanson comporte entre autres Kanye West, Santi Gold et Licky Lee. On écoute à ma chronique des tartines. Ouh, c'est spatial, pas mal. Non, c'est spatial. Ben oui. My jacket kinda fresh, bright red. And as usual, my pants tight, threaded. It seems like everybody dressed tight now, and I just want my credit. Don't get it twisted or dreaded. I am the king and will not be headed to the mall no time soon, brethren. Being broke made my head hurt, so I need the bread or an Excedrin that'll only get my engine revving. While y'all on 10, I'm on 11. I'ma make the news be on it sitting. Matter of fact, I'm on this very second. I'm in first and y'all in second. And this verse only add to the freshness. Call in the club, tell them add to the guest list. What you think? Way more bitches. I can never be too big for my britches. Y'all motherfuckers know who this is. I'm gifted. Merry Christmas. Merry Christmas. And drugs. Now I'm trapped in limbo with your golden fist symbol to see the soul. Use my eyes for a window only if I could escape from this loneliness. The assault of your love is felonious. It was the kiss that broke my narcissist. Still I roam this earth like the prince of darkness. Don't ask me where I've been. C'était Way Down de l'album de collaboration NASA. Cette chanson-là mettait en vedette RZA de Wu-Tang Clan, Barbie Hatch, qu'on ne sait pas c'est qui, parce que j'ai fait une recherche puis elle n'existe juste pas. Non, c'est ça, c'est pas une vraie personne, ça. Non, c'est pas une vraie personne. On le dira pas, c'est pas grave. Et le fameux guitariste de Red Hot Chili Peppers, John Frusciante. Fait que vraiment, là, avec Gifted, qu'on a entendu avant avec Kanye West, Santi Gold et Vicky Lee, ce sont vraiment là, deux excellentes chansons qui représentent très bien l'esprit de NASA, cet album hip-hop qui met en vedette un paquet de grands, grands, grands musiciens de partout en Amérique, dont David Byrne, à qui on peut penser en premier, de Talking Heads, et Tom Waits. Oui. C'est ça. Ben, je vous ai épargné la chanson, là, parce que Mathieu Plante, il vous dit pas, là, mais Tom Waits, là, Tom sa Waits. Voix, là. Lisa Leblanc et Tom Waits, tu sais. Hey! Je m'excuse, mais c'est comme ça. J'ai comme c'est la partenaire de Saut Mouton. Ah oui, le blanc mouton. Oui. Oui. Voilà. Mm. Alors, c'était ce que j'écoutais de dans mes oreilles cette semaine. J'ai pas bien de aimé. Dans mes oreilles. Juste dans tes oreilles, juste mais. Juste dans mes oreilles. C'est beau quand tu dis dedans, tu sais. Oui, je sais. C'est comme dedans ta tête. Dedans. Ouais, non. Ah, oh, je l'aime cette chanson-là. Je devrais tellement faire une semaine de tartine de Céline. Hey, j'aimerais c'est la seule donc chanson ça. Que j'aime. Mais je l'adore cette chanson. Incognito, sinon, hein. C'est... Non, c'est pas bien dans ma peau. Pourtant, tu t'assumes, comment? Donc, t'es bien dans ta peau. Hein? Et ton savon est de qualité aussi. Oui. Oui, je m'assure. J'ai manqué un bout, là, tu je sais pas, ça mène nulle part, hein? Non. Merci, Justine. Ça finit excuse-moi. Mal, je trouve. Mais bon. Là, je m'excuse. Là, ça j'ai... Va. Là, je me demandais qu'est-ce que j'assumais, là. Ben, tu t'assumes en tant que personne, et donc, t'es bien dans ton corps, non? Non, je viens de te le dire que je suis pas bien dans ma peau, là. Comme pas comme moi, je suis pas comme la chanson. Je suis pas incognito, je suis pas bien dans ma peau. Oh. On reste beaucoup trop longtemps sur Céline Dion, je trouve. Il y a comme une limite à atteindre, puis là, on vient de l'atteindre. Hey, Céline Dion, où ça? Au Métropolis? Au Métropolis. Je sais pas. Oui, Céline Dion va être au Métropolis. OK. Les billets vont se vendre, quoi, 60$, puis il va y avoir un paquet d'autres monde, dont Carquois et ses affaires-là. Il va y avoir Carquois au même spectacle que Céline Dion. Céline Dion. Il va y avoir Carquois, il va y avoir des gens comme Canaille, c'est ces gens-là. Là. C'est juste que je me rappelle plus, je n'étais pas supposé en parler, fait que non, je suis arrivé pas préparé. On te pardonne, mais moi, ça va pouvoir me permettre de reploguer mon jeu de mots que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est quoi? Que ce spectacle-là a l'air d'être vraiment n'importe Carquois. N'importe Carquois. Non? Oui, vraiment. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, puis à date, il n'y a personne qui réagissait, sauf toi. T'sais. Mais t'es la meilleure. Non, mais moi, je réagis à n'importe quoi. Ouais. C'est pas un compliment. Non, c'est ça, vraiment pas. C'est comme, je sais pas sûr. Ça veut-tu dire que non, ça veut dire que je suis pas bon. Voilà. Bon. Hein? Fait que dans deux semaines, je vous reviens avec une autre tartine. J'espère, une tartine qui ne comprendra probablement pas Céline, ni Dion. On peut espérer, on va laisser les gens sur leur faim en espérant peut-être d'avoir du Céline Dion. Genre. Si on est pour avoir plus d'auditeurs, je vais vous dire, hey, oui, je vais parler de Céline Dion dans deux semaines, vous allez arriver, puis je vais vous parler finalement genre d'un groupe underground de la mort. C'est ça, la tactique. La muerte. La muerte. C'est ça le principe qu'on pourrait faire. C'est, vu qu'on ne diffuse pas de musique commerciale assez fou, vous le savez, là, si vous écoutez moyennement, vous savez que c'est de la musique underground ou encore big dans l'underground, des affaires qui sont moins connues, ou c'est des artistes un peu connus, des pièces pas connues, deux autres. Mm-hmm. Ce qu'on pourrait faire, c'est que toutes nos pubs seraient toutes du Céline Dion, du LMFAO. Toutes les affaires, les intros, les émissions seraient toutes des tunes super connues. On peut-tu? Non, mais on pourrait, tu sais. C'est une question. Non, mais je sais pas. Moi, c'est que je connais pas les règles. Tu sais, vu qu'on jouerait pas les pièces en tant que tel, mais comme ça, les gens se reconnaîtraient au bout. Hey, comme, wow, crime, c'est l'intro de Céline Dion pour l'émission Les Palmarès, c'est fou. C'est sûr que ça l'accrocherait une coupe de. Ouais. Une coupe de. Il faut pas juste des affaires. De mais, morons? T'allais le dire, hein? Non, pas des morons. Non? Juste des gens qui écoutent d'autres radios. Des gens pas de goût? Non, c'est pas vrai. On pense pas vraiment non. Ça. De toute façon, ils nous écoutent pas, fait que tu sais, on peut. Tu sais. Bon. Correct, là. Changez pas de poste, gang. Non, gang. On vous aime, gang. Pour vrai, vous autres, si vous écoutez en ce moment, vous êtes un public de qualité. C'est ça. Puis si vous changez de poste, on va parler dans votre dos. C'est ça. Okay, ça vous apprendra à changer de poste, bande de. Allez, là, c'est le top 2 à faire. Du côté anglophone, il y aura The Neighborhood avec Female Robbery qui monte de 13 places. Mais avant ça, voici Galaxy qui est stable. C'est miam, miam. Oui. Galaxy, miam. Gratiné en plus du Galaxy gratiné. Ben oui, c'est avec NASA. Oui. NASA, Galaxy, gratin. Hey, j'ai parlé tout à l'heure de gratin américain. Oui, je sais, c'est ça. Je pensais du fromage aussi, t'as dit ça. Ah, ben oui. Nachos. On est vraiment fort. Nacho problem. Nacho problem. Ah, des jeux de mots en anglais, personne ne comprend. Y'en a vraiment trop honte. Pour ce qui se passe en dehors.

The Neighborhood et Female Robbery en deuxième position anglophone. Ça monte de 13 avant ça, entendu. Galaxy et jusqu'à la fin, qui est stable sur l'album. Oh, Tiger et Diesel. Je pense que c'est Tigre et Diesel. Tiger et Diesel. Tiger. Oh, c'est comme genre Amy and Jaguar. Hein? T'as jamais vu le film lesbien Amy and Jaguar? Non, je te dirais que c'est pas dans mon. Dans ma mais c'est ça comme Tiger and Diesel. Amy and Jaguar. Oh, c'est tout cute. Oui. Oh. Ben, ça manque. Ta chronique nous manque énormément. Ta mais chronique laisse béton que tu faisais cet été. Oui, je le sais, c'était bétonesque. C'était très, très bétonesque. C'était bétonnel. Bon. Pour ne pas faire de publicité pour un certain bétonnel. C'est quoi bétonnel? C'est hein? pas une compagnie de béton. Ça doit. Je vous ai fait de la pub, les gars, vous me devez mes pièces. Hey, bravo, ça, c'est... Ouais, en tout cas, j'allais essayer de faire un jeu de mots comme. Il n'y en a pas. Quelque chose avec ciment, mais tu sais. Ciment. S'il m'en manque un jeu de mots. S'il m'en manque un. Ben là, ça c'est vraiment mauvais. Ouais. Rendu-le. Ben, je m'entraîne un peu. C'est comme un genre de preview, d'avant-goût préliminaire, si on veut. Comme dans Amy and Jaguar. Là. C'est des préliminaires. Des préliminaires. C'est ça. À nos jeux de mots du numéro 1. Ben, parce qu'on a deux numéros 1, franco oui. et anglo. Oui, et on va faire les. Tu sais, parce que. Ben, on en a deux. Si on avait trois, ce serait comme encore mieux. Numéro un, mettons, si on avait, mettons, francophone, anglophone et espagnol, mettons, on pourrait dire qu'on a un trio de jeux de mots à faire, trio. Espagnol cul. Espagnol cul. Hey, Conan. Hein? Mais celle-là, elle vient pas de moi. Faut-tu j'ai le copyright, la personne qui. Sûrement. C'est ta mère, copyright 2009, non? C'est copyright Pyrrhus. Pyrrhus, c'est. Mais c'est égaré, je peux pas te chier à ça, là. Le yaob. Je peux pas te chier à ça, je m'excuse. C'est pas très, très propre de faire ça sur les ondes de C'est fou. C'est pas très, très propre. Comme dans Greenwashing. Ben oui, j'en ai vu venir celle-là. Tu regardes les feuilles, si hein? Ben oui, là, moi j'ai le punch. Ok, j'ai caché. Cache les feuilles, mets ça au recyclage parce que ça va être plus écolo ou encore vert. Non, je vais me faire mon propre paquet de toilettes. Allô? Tu le fais pas, toi? Ça, c'est très vert. Greenwashing, tu comprends? Greenwashing. Oh, vert. Ok, non, sérieusement, le rendu-là. Rendu-là, c'est un peu. T'es fort. Non, t'es fort. Là. Merci beaucoup. Fort, combien tu me donnerais, mettons, si tu avais à me noter en termes de hauteur et en termes d'étage et ensuite de mètre de hauteur? C'est marrant? Mes jeux de mots sont comme une bâtisse très très haute de combien de mètres? Comme deux ou trois. deux ou trois Twin Towers. Twin Towers? Ils sont tout effondrés. Je pensais à ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement méchant ce que je suis en train de dire. Ben, deux ou trois Empire State Buildings. Empire State, je m'excuse. Puis c'était parce que là, on est rendu à Ground Zero, fait que tes jokes sont pas à zéro. Non, mais c'est. Non, ils sont bonnes. Me voulais rassurer. Donc, vous aurez compris que du côté anglophone, c'est Metric. Tu sais? Metric. Ah, oh, 20 ans. C'est les mètres. Je t'ai pas dit combien de mètres. Hein? Non, mais ça a presque marché. Mettons, 10 mètres. C'est ça. Mais je comprends, t'es encore. Tu sais, t'es pas souvent là à la fin de l'émission. Et t'es encore. Non, donc, non, mais j'ai compris. Oui, je sais. Mais c'est pour faire mon prochain jeu de mots. C'est comme ah, un genre. Encore. Quand je parle pour rien dire, ça veut dire qu'il y a un jeu de mots qui s'en vient. Ça. Ouais. Parce que t'es encore une jeune élève. Oui, je suis encore une jeune élève. Une jeune élève. Jeune. Youth. Without youth. Alors que, tu sais, je veux dire, t'es jeune, mais t'es pas un enfant non plus. Là. Voilà, je suis jeunesse sans jeunesse. Sans jeunesse. Donc, c'est Metric avec Youth Without You du côté anglophone. Et en franco, trio avec Greenwashing. On écoute ça? On a tout compris ça, je pense. Moi, je pense que j'ai compris. Les jeux de mots, moins, là, mais moi, la musique, ça me comprend. Wow! Laissez parler la musique, comme dirait l'autre radio qu'on nommera pas parce que c'est une autre radio. Ben, c'est ça. Hey, ça va chanter rapidement, fait qu'on arrête de parler là? Vite. Good. On veut du green, on veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du c'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green. On cache les galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green. C'est nous les as, les du marketing. Green. On veut de l'eau toujours qui coule et des riz

C'était les positions numéro 1 de chaque côté. On va voir le duel numéro 1. Par contre, on va faire un petit récapitulatif. Du côté francophone, en troisième, c'est Ariane Moffat avec La pluie et le beau temps. En deuxième, Galaxie jusqu'à la fin. Et en première, on a entendu Trio avec Greenwashing. En anglophone, troisième, c'est Hot Panda avec Language. En deuxième, The Neighborhood et Female Robbery. Et en première place, on vient d'entendre Metric avec Youth Without Youth. Très bon top 3 des deux côtés. T'es cœurant, ça? T'es cœurant. Hey. On est bon là-dedans. Mais hein, vive c'est fou! Vive c'est fou! Mmh. Donc, c'est tout pour l'émission de cette semaine. On va se retrouver en direct la semaine prochaine, jeudi, entre 15h et 18h. Restez à l'écoute parce qu'à partir de 19h, ce sera 13e étage, l'émission d'Electro Jazz Éclectique, suivie d'Electro-Tactile, oui, l'émission d'électronique. On rejoue le vendredi entre 17h et 20h. Restez là pour Skypunka avec le camarade de B. Je pense que c'est ou X. Je me rappelle jamais à chaque semaine. À chaque semaine, je dis ça, puis je me rappelle jamais, puis je vois même pas checker. B ou X. C'est ça. Ensuite, on rejoue le lundi entre 15h et 18h. Après nous, c'est Le Boudoir avec Alexandra Carignan, qu'on remercie d'ailleurs pour sa participation à la majorité de l'émission d'aujourd'hui. Bien sûr. Merci à toi aussi. Mais ça m'a fait plaisir. On se quitte en musique avec une pièce bonus que tu nous as choisie sur la plupart de nos stations. Oui, oui, oui. Dans le fond, on vient de terminer avec Metric, Youth Without Youth, et c'est un album qui, au début, m'avait vraiment beaucoup déçu, mais je l'ai réécouté en fin de semaine, beaucoup. Et il y a une chanson qui m'a vraiment beaucoup plu, c'était Lost Kitten, du même album. On l'écoute à l'instant, et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, Justine. À la semaine prochaine. Toi, dans deux semaines, par contre. Oui, ben, c'était pas clair, moi. Ouais. Parlons pas par-dessus le début de la chanson, on va repartir ça va être bien meilleur. Gars. Bye! Bye!